Crema. Hey, comment ça va, Tonal? Hey, ça va bien et toi? Alors c'est marrant parce qu'à 30 secondes, je vais te dire, putain, mais je fais comment déjà? Il me dit, hey, hey, tu dis, hey, comment ça va, Tonal? Donc c'est pour ça que j'ai fait... Ah ouais, c'est parce que je m'en rappelais. Je viens d'avoir un flash. Faut que je me fasse une cicatrice pour me rappeler d'un truc. Ah, vas-y. Ah, je vais pas le faire, ça attends, fait mal. Je te la fais, si tu veux. Non, ça va aller. Faut que je le marque quand même. Je le marque. Je le marque au fer rouge. Ouais, meuble 2 secondes. Ok. Par contre, tes meubles Ikea, j'ose pas trop les bouger parce que j'ai peur de les faire. Ok, merci. Du coup, on se retrouve une nouvelle fois pour des petites capsules afin de parler des groupes qui sont déjà venus à Hellfest. Et donc, on ne traitera pas dans l'émission classique de Road to Hellfest. Ah bah non. Du coup, non. Donc aujourd'hui, quand je te demandais, je sais plus comment on fait, c'est dans quel ordre on procède. Ah, est-ce c'est qu'on ça. Dit bonjour d'abord ou non, on dit bonjour, tout ça. On perd pas du temps à parler du Discord, ni de l'apéro Discord, parce que Nikos qui m'a dit, oui, t'as parlé 3 heures de l'apéro Discord sur tous les épisodes. Mais non, mais après, le problème, c'est que dans l'émission, elle dirait déjà très longtemps, on n'a pas pu en parler. Là, sur les petites capsules, si on en parle 5 minutes, ça va. Les gens vont toujours dire, oh, allez, 5 minutes de plus pour parler de choses intéressantes, ça peut être cool. Ah, le problème, c'est toujours le mot choses intéressantes. Est-ce que du coup on commencerait pas par un générique? Ok. Ah ouais, mais alors par contre. Oui. Ouais, mais alors générique, parce qu'on parle de quel groupe? Parce que. Si c'est à moi de faire le générique. Tu vas faire un générique différent, Ouais, peut-être. En fait, le concept quand je dis générique, c'est normalement là où je cale le générique. Ah oui, c'est vrai, c'est au moment où je suis censé te en fait. Ouais, on peut juste dire. Générique. Ok. Ah, faut que je le dise. Là, j'ai fait exprès. Allez, générique. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe. Alors, un groupe que j'apprécie pas forcément, mais que déjà au sein de la team, il y a au moins une personne qui aime beaucoup. Un groupe qui est un peu plus visuel. Enfin, il est pas plus visuel que musical, mais il allie parfaitement les deux. Et c'est pourtant un groupe qui fait tout pour qu'on ferme les yeux. Est-ce que tu vois de quel groupe je parle ou pas? Bah, je voyais ce que tu disais avant que tu dises qui fait tout pour qu'on ferme les yeux. Ouais, ça t'a perdu. Ça m'a perdu, mais je pense quand même qu'on parle des Lung. Et effectivement, on va tout de suite parler. C'est là normalement où je vois l'extrait. On va tout de suite parler d'El Jung. Alors. Pas du tout d'accord avec toi en passant. Sur quoi? Qui dit qu'ils font tout pour qu'on ferme les yeux. Si, non, mais ils le disent. Hein. Ah bon? Ah ouais, ils le disent, ouais. Tout ce qu'ils font d'efforts, de costumes. Mais non, en fait, ils précisent. Non, yeux, ça serait dommage. Ils précisent pas, il faut que vous fermez les yeux, c'est pas ça, mais ils disent que tout ce qu'ils font invite à un voyage et de la manière dont ils ont l'air d'en parler, ça ressemble un petit peu à un truc où on ferme les yeux, mais moi je sais pas comment vous faites dans votre truc là. Conne, mec. Je connais pas, j'ai pas l'école. Donc, El Jung est un groupe de folk expérimental un peu. Large, qui rentre pas du tout dans la catégorie de groupe de métal, parce que là, on est clairement plus sur une espèce de groupe à ambiance, de groupe à voyage, qui nous vient à la fois de Danemark, du Norvège et d'Allemagne. Okay. Par chacun de ces 3 membres qui la composent, en fait. Donc, ils sont que 3? Bah, ils sont que 3 dans le groupe. Okay. En fait, en live, ce que tu vas voir, c'est d'autres musiciens qui viennent les accompagner pour le live. La tribu qui vient avec, quoi. Voilà, mais la base de El Jung, c'est 3 personnes, à savoir Kay Uwe Faust, Christopher Juhl et Maria Friends. Et donc, leur musique, elle est basée sur des textes présents sur des artefacts de l'âge du fer et de l'époque proto-germanique. Et ils décrivent, eux, leur style musical comme une histoire amplifiée venant du début du haut Moyen-Âge du nord de l'Europe. Donc tu vois, c'est un groupe qui est vraiment basé sur, ils veulent essayer de créer de la musique déjà, j'ai pas envie de dire primitive, mais avec beaucoup d'instruments à l'ancienne. Ils sont pas du tout dans le délire genre de guitare électrique ou ce genre de truc, dans autre chose quoi, c'est vraiment un groupe de voyage, un groupe de tu vois, pour beaucoup on pourrait se dire oui mais ça a rien à faire au Hellfest en tant que groupe de métal, mais c'est vraiment une proposition qui en plus a pris une espèce de côté visuel de malade, parce que si t'as regardé des lives ou pas, tu sais que le visuel, il est hyper présent et hyper important parce qu'il est hyper travaillé, quoi. Ouais, carrément. Que ça soit dans les maquillages ou les espèces de coiffes qu'ils peuvent avoir ou de costumes. tu vas plus voir un spectacle qu'un concert, quoi. Et c'est souvent là que bah moi j'ai plus de mal avec le groupe, parce que moi musicalement ça me parle pas trop. J'ai du mal à... en fait c'est un, pour moi c'est un groupe que tu vas mettre en fond de quelque chose, mais je vais pas me concentrer dessus, je vais pas écouter, parce que moi je vais pas forcément voyager avec. Ouais. Et en fait j'ai voulu en fait dans les... quand j'ai choisi les groupes pour ces capsules, j'ai hésité à le mettre au début, Elion, que j'avais pas mis, parce que bah j'avais déjà un peu présupposé ton avis. Et moi, j'avais pas spécialement de trucs intéressants à en dire, mais il y a 2-3 épisodes de RTH quand Tito nous a fait son immanquable. Oui, oui. Il nous a fait tout un truc sur ça dans le mode pourquoi El Young c'était un immanquable pour lui. Donc moi, je vous renvoie à cet épisode qui était, si j'ai pas de bêtises, l'épisode 12. Mm-hmm. J'espère ne pas me tromper. Où il va vraiment, j'ai lu tout le long message qu'il m'a écrit pour expliquer pourquoi, à quel point lui c'était un groupe important et vraiment. C'est ça qui m'a dit, bah ça faut que j'en parle avec Tonai, parce que si Tonai il connaît pas, faut vraiment qu'il aille il aille écouter et qu'il nous dise ce qu'il en pense. Ouais, ouais. D'ailleurs ça m'a un petit peu influencé ce message, je me rappelle. Ah bah... Ça m'a beaucoup trotté un petit peu. Ouais, ouais, mais parce que si je me rappelle bien, c'est qu'il c'était un peu une découverte sur le moment, on lui a conseillé d'aller le voir bien. Bon, bah, c'est ça, hein. Bah du coup je vais lire son message, ça sera plus simple du coup. Donc allez quand même écouter l'épisode 12 si jamais vous avez envie. Mais du coup. Donc son immanquable nous vient de l'Europe du Nord et propose un folk expérimental dans des ambiances scandinaves. Il s'agit d'El Young. El Young jouera donc en clôture de Main Stage le vendredi 20 juin. Sa découverte s'est faite en festival. Il avait écouté quelques fois sans y prêter un grand intérêt, en rangeant ça vaguement dans la catégorie de ses amours de jeunesse, Dead Can Dance et Lorena McKennitt. Puis ils sont passés au Sylac l'année dernière, et en préparation une amie m'a dit « Si tu y vas, vas-y à fond, avec vraiment l'envie de te mettre dans l'ambiance, tu vas devant et tu t'immerges. Et ne t'avise pas à parler pendant le set, les fans d'El Young n'aiment pas ça. Si c'est pour avoir ça de loin, papotant, laisse tomber, va au bar. » Très intrigué par ce conseil, j'ai tenté l'expérience et j'en ai été transformé. Les rituels, les voix, les ambiances, les rythmiques, les décors, tout m'a plu. Et même en festival, j'ai apprécié leur capacité à emmener l'auditoire avec eux. El Young a annoncé entrer dans une longue pause après cette tournée. C'est peut-être pour vous le moment ou jamais de tenter l'expérience, mais mon conseil, si vous le faites, faites-le à fond. C'est une expérience à vivre plus que vraiment un concert, et je me suis promis de ne rater aucune occasion de le revivre. Mmh. Et du coup, c'est un peu ça, parce que effectivement, là, ils viennent au Hellfest pour la troisième fois après 2018 et 2022. Et moi, je sais que j'avais été jeté un œil, je sais plus à quelle des deux éditions, et que je suis complètement resté en dehors. Moi, c'est pas du tout mon délire, c'est ouais. pas du tout ma cam, ça me fait pas, enfin, c'est pas mon truc à moi. Mais revenons un petit peu vite fait à la base sur le groupe, qui s'est formé en 2014 par Kai Wolfos, qui est un tatoueur spécialisé dans les tatouages vieux nordiques, ainsi que Christopher Jule et Marianne, un trio qu'ont voulu sortir leur premier album en autoproduit. Ouais, parce qu'en fait t'as pas forcément beaucoup de demandes pour ça à la base, donc d'accord, et pourtant El Young, voilà, et pourtant pour moi El Young justement a été un des premiers groupes qui a ouvert une porte où derrière il y a beaucoup de groupes qui se sont engouffrés dans ce style là, okay. quoi. Moi il fait partie de ces trucs là quoi. Et dans les premières représentations du groupe, t'en as une qui s'est faite à Castlefest, elle a été enregistrée et diffusée, elle est sur YouTube d'ailleurs, tu peux la retrouver, ouais. Elle a été vue plus de 10 millions de fois là. Donc c'est un truc, ouais, c'est un vrai truc de malade. Donc c'est vraiment un truc, comment dire, en fait ça dépasse largement le stade de groupe de métal ou de groupe El Young, ils ont leur propre truc aujourd'hui qui font que c'est un truc Et comme l'a dit Tito, ils vont rentrer, en fait cette année ils vont faire rentrer dans une pause à durée indéterminée, on sait pas combien de temps, donc c'est pour ça que ça fait partie des rares occasions où voir le groupe. Selon Faust, le nom du groupe, donc qui signifie guérison pour lui, reflète leur style musical. L'auditeur est supposé être laissé à l'aise et dans un état de détente après un voyage musical magique qui peut par moments être turbulent. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je te disais que le gars, ils veulent faire un truc... ils veulent vraiment en fait que tu fermes les yeux. Ouais. Et en plus, en tout cas. Voilà. Et les instruments qu'ils utilisent, c'est genre des tambours, dont un avec une peau de cheval peinte avec du sang humain, deux tambours en peau de cerf, un tambour en peau de chèvre, des os, un hochet en corne de buffle, une cloche rituelle hindoue. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de trucs, mais sans jamais... en fait, tu pourrais croire qu'il y a une espèce... En fait, il y a tout un côté spirituel dans leur musique, oui, mais sans être du tout un truc religieux ou quelque chose dans ce style-là. C'est pas du tout leur délire. Apparemment, j'avais lu ça. Ouais, ils sont pas du tout dans ce truc-là, quoi. Ils ont actuellement sorti, donc... 5 albums, si je dis pas de bêtises. Et en 2018, ils ont été nommés dans la catégorie du meilleur groupe underground par le Metal Hammer Golden Gods. Donc, voilà. Donc, c'est En fait, c'est compliqué de parler de ça vraiment pour moi en tant que simple groupe parce que soit la proposition musicale elle t'emballe et donc tu ne fais que de gagner en allant voir quelque chose en live parce que tu vas voir un vrai show, un vrai spectacle qui va reprendre ça, soit ça t'intéresse pas et tu restes réfractaire. Et pourtant, moi, Tito, il m'a presque donné envie d'y aller parce que en me disant, est-ce que je suis capable d'y aller, de le faire à fond ouais, comme ouais. il le dit. Mais est-ce que t'auras les outils pour sur le moment aussi parce que au-delà de la musique, t'y vas pour une expérience et quand tu sais un petit peu tout ce qui est proposé, bon, tu sais un petit peu ce qu'il faut que tu t'apprêtes à faire si tu veux vraiment rentrer. Ah, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Hein, Moi, je pense que pour ma façon de consommer de la musique et les concerts, je pense qu'il faudrait que j'aie écouté beaucoup les musiques avant pour pouvoir arriver à rentrer dedans et savoir où ça va. Parce que si j'y vais en totale découverte, moi, je risque de sortir du truc un peu, je pense. Ouais. Parce que le problème, c'est que effectivement, y a un côté très visuel dans ce qu'ils proposent. Mais le défaut de cette chose-là, c'est que tu peux aussi avoir un côté, trouver ça un peu comique ou ridicule ouais, de l'autre. Bah, oui, mais si, alors peut-être si tu gardes ton œil un peu de ouais. que tu as souvent voilà, c'est de ça. Te regarder c'est pour ça. Dans le jugement. Là, je pense qu'il faut plus être dans le partage, accepter, enfin tu vois ce genre de raisonnement ouais, un petit peu qui te laisse aller il faut que la proposition. Sachant qu'en plus et là ça va beaucoup un peu limiter cette proposition, c'est qu'ils jouent en main stage. Et ça ouais, moi je j'ai pas toujours ce regard main stage qui gâcherait tout bah, le spectacle. Je sais pas trop parce que ouais. dis-toi aussi une chose, c'est que oui, si tu vis l'expérience de la manière dont Tito le propose, c'est d'être vraiment au cœur du truc. Donc j'imagine que tu es entouré de gens qui pourraient potentiellement vivre le truc au cœur du truc, vraiment dans les premiers quoi. Donc parce que je pense pas que ça soit je me trompe peut-être, hein, tu sais, le truc qui se vit en solo, machin, un petit peu quelque part, forcément, ouais, parce que t'es ouais. un petit peu, ouais, voilà, tu vois. Mais le fait, si vraiment tu te retrouves au cœur d'un spectacle que tout le monde vit bien, il y a des ondes qui vont forcément être partagées, qui vont aider au kiff, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais le problème de ce que tu dis, ça veut dire qu'il faudrait que tous les gens de la main stage soient là pour ça, en mode, ok, on est respectueux et pas le. Ouais, après c'est vrai que si tu te retrouves à kiffer malgré toi et te dire ah ça y est je suis en train de commencer à vivre un truc et qu'à côté t'as deux gros connards qui commencent à dire qui parlent fort et qui t'empêchent ça pourrait ouais bah ouais, dans ces cas-là je t'inviterais à te dire vas-y fais 15 pas par là-bas t'auras peut-être non mais ce que tu vois le problème et là c'est là après on reste sur un buté sur un truc qu'on répète en boucle mais c'est le problème des main stage c'est que les gens des fois ils passent d'une main stage à un main stage 2 ils bougent alors que quand il faut se rendre sous une tente c'est pas la même démarche donc s'il y a des mecs qui sont là toute la journée en main stage après oui c'est vrai après ils jouent en clôture donc peut-être que les gens sont partis ça peut être ça aussi mais dans tout ça Tenaille j'ai même pas pris le temps de te demander après toi cet avis dithyrambique de Tito et te connaissant un peu. T'as kiffé jusqu'à quel point, Elium, toi ? Eh ben, j'ai kiffé jusqu'au point où il me manque justement, je pense, une expérience live pour me faire un vrai avis quelque part. Parce que je te dis le message qu'après c'est voilà, c'est le folk. J'ai l'impression pour moi hein, que c'est vraiment une expérience à vivre en live, forcément. Mm-hmm. Moi, je suis pas trop. J'ai un peu de mal avec ce folk là profond. Tu sais vraiment, ça va chercher vraiment un univers spécifique. J'ai bien aimé, tu vois, t'essayes de rentrer dedans, hein, vraiment. Moi, je sais que je me suis mis, j'ai essayé de rentrer dedans et tout, mais il manque quand même. Je pense qu'il manque. Tu manques le visuel. Moi, je suis pas trop, tu sais, spirituel. J'aime bien tout ce qui est attrait au spirituel, ça. Après, est-ce que je suis quelqu'un qui me laisse aller ? Non. Donc, du coup, je suis face à tu moi-même. Tu peux fermer les yeux aussi. Ouais, je peux faire. Non, baisser la garde. Ouais, dans ce genre de musique-là, je précise. Hein, parce ah oui, d'accord. Il y a d'autres musiques où je me laisse facilement plus aller, où je suis plus en phase avec moi-même, on va dire. Ouais. Mais là, voilà, je sors un petit peu de ma zone connue, tu vois. De confort. Et c'est vrai que je me suis imaginé justement. J'ai regardé des lives, du coup, forcément. Bah oui. Parce que je t'avais dit, c'est important que tu en regardes. Oui. Puis là, ça s'y prêtait vraiment. Mais alors musicalement, ça me plaît bien. Je suis pas du tout réfractaire à aucun point quoi. Je veux dire, il y a moyen de rentrer dedans. Mais c'est vrai que je pense que live aiderait largement quoi, largement. Tu crois ? Voilà. Alors après voilà, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de se mettre, tu vois, en transe pour vraiment vivre le truc à fond ? Je pense que ça peut être une expérience. On est d'accord, sûr. Après, je pense pas que ça soit Tu passes à côté d'un bon spectacle, même si tu rentres pas complètement d'accord, dans oui, partie je du ce moment que où tu vois, tu restes dans le respect, vraiment, pas dans le jugement. Ou... Ouais. T'essaies de voilà de d'accepter le truc comme il te le donne et puis ouais le spectacle mieux, peut être bien voilà, même sans ça. Que tu sois totalement c'est là où réceptif. Je disais que j'étais pas d'accord de fermer les yeux parce que ce serait quand même dommage. Bah oui oui. Mais oui. Bon après j'imagine que ouais si t'as la chance, j'ai envie de dire chance quelque part parce que je sais pas, tu dois ressentir quand même des trucs, tu sais, je crois aux énergies, les ondes machin, j'en sais rien. Bon bref. Mais bon, ouais non, je pense que bah c'est ce qu'on peut attendre de ce genre de spectacle là, tu vois. Si tu y vas avec cet espoir là, bon, faut pas hésiter à essayer de se laisser aller, machin, et puis essayer de vivre le truc, d'essayer de comprendre le truc, j'en sais rien. Et donc toi, tu te verrais bien y aller en main stage, fermeture. Mais ouais, mais après, c'est compliqué se dire voilà, est-ce que tu vois parce que je pense qu'il faut quand même avoir bon, déjà faut avoir l'envie, ça je l'ai. Ah bah je ça, pense. Oui. Et sur le moment, ça dépend de l'énergie qui se dégage de moi au moment, tu vois. Si je suis en mode, allez, vas-y, viens, on va aller vivre l'expérience, on va aller se mélanger à la masse, là, et on va essayer de faire partie de cette masse. Si je me sens chaud et dans les bonnes conditions, je dis, vas-y, je me mets devant, et puis vas-y, tu vois. Mais après, c'est vrai que sur le moment, si j'ai une énergie un petit peu plus fofolle à vouloir, j'irais me diriger vers un autre truc en me disant, je sais que je passe à côté de quelque chose, mais j'ai peut-être pas l'énergie sur le moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce truc-là où je me dis... Et après, on peut prendre le problème totalement à l'envers en se disant, oui, c'est un main stage, c'est chiant, mais si ça se trouve, ça sera encore plus dingue, encore plus gros parce que ils savent qu'ils vont rentrer en pause. Ouais. Genre un ou deux mois après, ils arrêtent. Donc là, ils vont peut-être tout donner, que ça sera un show de ouf. Ah ouais, ouais, non, mais donc, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que alors Tito, il les a vus qu'une fois. C'est sa seule expérience. Oui, oui. Parce que du coup, je m'étais dit aussi, ok, alors bah, super, lui, il les a vus pour la première fois et tout. Donc il dit, ouais, je les louperai plus. Mmh. Bah, j'espère qu'il vivra pareillement le truc de la même manière, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais j'entends tout à fait. Mais voilà, en tout cas, là, tout de suite, j'ai envie de te dire, ouais, je pourrais carrément y aller. Je pense que ça pourrait être une expérience de fou. Après, ouais. À voir sur le moment, est-ce que je suis armé sur le moment pour le vivre à fond, quoi. Ça sera. C'est ça que je me dis. On verra. Mais tu n'es pas réfractaire et ah, pourquoi du tout, pas. Du tout. Très bien. Non, j'ai trouvé ça très cool. Eh ben, Tonaï, merci beaucoup. Ah bah, carrément, avec plaisir. À la prochaine. Eh ouais, à bientôt. Salut. Tchou.